Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Antoine Beauchamp. Le chant des baleines est sans doute l'un des sons les plus envoûtants de la nature, mais il reste encore nimbé d'un certain mystère. Que nous apprennent de récents travaux sur les mécanismes de ces sonorités venues des profondeurs. En février 2024, une étude parue dans la revue Nature nous en disait plus sur les structures anatomiques permettant à certaines baleines d'émettre des sons ou des chants. Si dans la famille des cétacés, seul le groupe des baleines à fanons émet à proprement parler un chant, les fonctions de ces vocalises, leur évolution et leur transmission continuent d'intriguer les scientifiques. On tend donc aujourd'hui grand nos oreilles à une partition musicale et animale encore à décrypter. Les baleines à tout bout de champ. Bonjour Flore Samaran. Bonjour Antoine. Vous êtes enseignante à l'ENSTA Bretagne et chercheuse au laboratoire des sciences et techniques de l'information, de la communication et de la connaissance, le Lab STIC. Et nous sommes en ligne depuis la République dominicaine avec Olivier Adam. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes bioacousticien, spécialiste du son des cétacés à l'Institut Jean Leron d'Alembert de Sorbonne Université et du CNRS. Bienvenue à vous deux qui êtes spécialistes de ces cétacés et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, comme chaque jour, nous retrouver sur Twitter, anciennement, enfin sur X, anciennement Twitter, faut-il le répéter, sur notre compte @sciencesqfd, mais aussi sur le site de la science CQFD pour retrouver tous les articles qui nous ont permis de préparer cette émission. On va plonger sans plus attendre dans cette émission et dans notre sujet avec une archive de 2021. Il s'agit d'un extrait du journal de 20h de France 2 qui se pose une question, mais pourquoi sommes-nous autant fascinés par le chant des baleines ? Il surgit des profondeurs de l'océan, nourrit l'imaginaire, le plus mystérieux, fascinant des chants. On a commencé à entendre un son grave qui sortait, mais vraiment, on avait l'impression du bateau. Donc tout le monde s'est tué. En fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une baleine qui chantait, mais juste sous le bateau. Ce mélange de force, de son grave, ça te rend complètement dans le corps. Ça donne les frissons et on s'arrête. Depuis 3 ans, Adrien Fajot étudie le chant des baleines à bosse. Ce matin, le scientifique part récupérer un micro sous-marin. Ce micro, il est au large des côtes, c'est à peine un mille à peu près de la côte. C'est vraiment 30 mètres de profondeur. Ça sert à rien qu'il soit ultra profond pour les chants de baleines. Donc ça nous permet d'enregistrer toute la saison et de voir tout ce qui se passe pendant cette saison. Un micro, un trésor. 5 mètres, là-bas, juste devant le bateau. 2 mois de données, des semaines de travail d'analyse à venir. L'enregistrement de chants de baleines qui s'approchent à nouveau des côtes de la Réunion. Il y a le côté scientifique, on se dit il me faut de la donnée, il faut que je vois ce qui se passe. Et puis il y a le côté magique où on est pressé d'entendre le chant de cette année, qu'est-ce que ça va être. Mieux connaître le chant, essentiel pour défendre, préserver la baleine. Voilà, cette archive qui insiste sur l'aspect mystérieux et fascinant du chant des baleines. Flore Samaran, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Et surtout, moi, une question que je vous pose d'emblée, c'est est-ce que vous continuez d'être fasciné par ces sons qui nous viennent des profondeurs ou bien est-ce que c'est devenu une routine pour vous ? Ah non, je pense que je m'en lasserai jamais. Hein. Non, c'est super. Et puis c'est vraiment l'émotion aussi quand tu récupères un hydrophone, un micro, un enregistreur autonome que tu as mis sous l'eau, tu l'as laissé pendant 2 ans, un an ou 2 mois, ou en l'occurrence, Adrien, il l'a laissé pendant 2 mois. Et après, tu sais pas du tout ce que tu vas découvrir dedans. T'espères que qu'il sera de bonne qualité déjà et que tu vas entendre des nouvelles choses ou des choses que tu connais déjà mais qui sont rassurantes parce que ça veut dire que l'espèce est toujours là et qu'elle fréquente toujours la zone, quoi. Mmh. Olivier Adam, comment est-ce que vous l'expliquez, vous, cette fascination un peu éternelle qu'on a, nous, humains, pour ce champ des baleines ? Ben, je pense qu'on est, c'est, j'aurais presque dit intuitif, je sais pas, c'est inné, quoi. On est par défaut très intéressé et très sensible à des sons lents, un peu basse fréquence, un peu mélodieux comme ça. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on écoute ce type de musique un peu lancinante lorsqu'on est au spa ou dans une situation de méditation. Donc je pense que ça nous touche directement comme ça. Ouais. Heureusement, on n'écoute pas que le chant des baleines pour se détendre avec un peignoir en coton, Olivier Adam. Il faut rappeler aussi l'importance qu'ont eu ces chants des baleines dans l'histoire de la bioacoustique. Flore Samaran, est-ce que vous pourriez nous dire comment certains chercheurs américains finalement ont déterré des archives de la US Navy et ont découvert ce chant des baleines qui était dans les années 1970, qui est quand même relativement tard dans l'histoire des sciences. Ont découvert ces chants et ont commencé à les interroger. Bah, oui, c'est sûr que pendant la Seconde Guerre mondiale et puis surtout pendant la guerre froide, les océans étaient bardés de micros sous l'eau, pas pour chercher des baleines, mais plutôt pour chercher des gros poissons en ferraille noire. Et ils ont enregistré donc ces sons un peu inattendus. On peut même retrouver des vieux papiers scientifiques qui attestent que ces sons réguliers, tellement bas en fréquence et tellement forts en intensité, seraient probablement des battements de cœur de baleines. C'est ce que les premiers scientifiques ont imaginé. Et puis après, on a commencé à découvrir qu'en fait, non, c'était des chants. Donc, que ces animaux-là émettaient des sons sous l'eau et qu'on était bien capable de les entendre. Et oui, donc c'est vrai que tout ça, c'est récent en fait. Hein, c'est une science qui n'est pas vieille. Donc on a fait un bond, on a découvert plein de trucs, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. Hein. Et oui, ça tombe bien parce que ça a opposé. On a toute l'émission d'aujourd'hui pour parler de toutes ces choses qu'on a pu comprendre, découvrir et toutes ces choses qui restent encore à comprendre et à découvrir. Olivier Adam, sur cette bioacoustique naissante ou en tout cas en cours de confirmation des années 1970 et ces travaux de Roger Payne et Scott McVeigh, finalement, quelles questions ils se sont posées que vous continuez de vous poser? En fait, c'était fou, c'était une histoire assez folle de cette découverte de chants, parce qu'à l'époque, on savait pas qu'il y avait des sons dans les océans, et encore moins qu'il y en avait qui chantaient. Et quand la US Navy a proposé des enregistrements sur bande magnétique à ces deux chercheurs, enfin, en l'occurrence, à Roger Payne, qui après lui-même a contacté Scott McVeigh, qui travaillait sur l'écolocalisation des dauphins à cette époque, et ils ont mis en évidence le fait que les vocalisations que vous venez d'entendre, là, c'est un enregistrement de La Réunion, je crois, en fait, elles sont ordonnées dans le temps. En fait, il y a plusieurs vocalisations qui sont émises les unes après les autres. Donc, ça peut être trois vocalisations successives, quatre, cinq, six, ça dépend de la complexité du chant. Et ça crée une phrase. Et en fait, la baleine va répéter cette phrase plusieurs fois. Puis après, elle va passer à une deuxième phrase qu'elle va répéter plusieurs fois. Puis après, une troisième phrase qu'elle va répéter plusieurs fois. Et ça va durer à peu près une quinzaine de minutes pour qu'elle reprenne au début les mêmes phrases et recommencer ce chant, quoi. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le concept d'unité sonore que vous continuez d'utiliser? Ouais. Absolument. Tout le vocabulaire a été posé par Roger Payne et Scott McVeigh dans un article qui a fait le tour du monde, qui parut dans Science en 1971, et qui a vraiment lancé la bioacoustique dans les océans, même si à l'origine, il y avait déjà eu des travaux scientifiques, notamment par Mary Fish, sur les sons émis par des espèces de poissons. Mais disons que le travail qui a été publié par Roger Payne et Scott McVeigh, puis l'album Song of Hampakwell, a vraiment lancé la bioacoustique dans les océans autour notamment de ces sons émis par les grands cétacés. Et ce qui est drôle, c'est que la bioacoustique, elle a fait le tour du monde avec ce vinyle, avec les sons de baleines. Elle est même sortie de l'espace terrestre puisque ce chant de baleine a été mis sur le disque d'or qui a été embarqué sur la sonde Voyager. Donc il y a des chants de baleines qui voyagent dans l'univers actuellement. Et ça, c'est une des choses assez belles aussi de cette histoire de l'écoute et de l'analyse de ces chants et de ces sons de baleines. Flore Samaran, on peut peut-être la faire un peu de biologie et rappeler quel type de cétacés peuvent, à proprement parler, chanter, émettre des sons. Voilà, quelles sont les différentes familles qui peuvent produire des mélodies comme celles qu'on a entendues tout à l'heure dans l'archive? Tous les mammifères, enfin tous les cétacés vont émettre des sons sous l'eau. On va avoir deux sortes de cétacés, les cétacés à dents, donc comme les dauphins, qui eux vont émettre des clics, des colocalisations pour se repérer et puis pour chasser la nourriture, chasser les poissons. Et puis ils vont siffler aussi pour communiquer entre eux, mais on ne va pas appeler ça des chants. Les chants, ce sera vraiment quelque chose qui sera propre aux baleines à fanons, donc ce sont des baleines qui n'ont pas de dents, mais des fanons à la place, et qui, elles, ne sont pas des chasseuses, donc elles n'ont pas ce système d'écolocalisation pour essayer de trouver du poisson grâce à leur clic d'écolocalisation. On ne sait donc pas comment est-ce qu'elles retrouvent leur nourriture, mais en tout cas, elles vont chasser, elles vont chercher à s'alimenter sur des grands bancs de petites crevettes, et elles vont communiquer entre elles, ou alors, enfin, il y a encore beaucoup de mystères par tout ça, elles vont émettre des sons, et puis des fois les sons sont super bien organisés, comme Olivier l'a expliqué tout à l'heure, ça va faire des chants. Mais ça va surtout dépendre de ce qu'on sait à l'heure actuelle, de leur période, en tout cas dans l'année. Les chants, c'est vrai, proche de ce qu'on peut dire des chants de reproduction, parce qu'on les entend dans des périodes de reproduction. Alors que dans des zones d'alimentation, elles vont pas émettre forcément ces chants-là. Alors, comme on est une émission, une fonction. Ouais, comme on est une émission de radio, on aime forcément le son. Flore Samaran, vous nous avez très gentiment envoyé une sélection de sons de baleines. On va écouter dans un premier temps pour bien comprendre de quoi il retourne et les grandes distinctions entre ces différents sons émis entre un chant et un son. Tout d'abord, le son d'un chant d'une baleine à bosse. Et tout de suite, on va écouter le son, pour le coup, qui relèverait plus d'une communication sociale, toujours d'une baleine à bosse. Vous allez voir, la distinction est évidente. Voilà, là, donc, Olivier Adam, on a du mal à s'imaginer que c'est le même animal qui émet cette variété de sons. Comment vous pouvez nous décrire ces sons-là et nous les expliquer? En fait, les baleines à bosse ont un répertoire vocal extrêmement large, avec une très grande diversité de vocalisations. Ce qui n'est pas le cas pour tous les mysticètes, en fait. Mais pour elles, la façon dont elles vont utiliser leur générateur vocal, et on pourra y revenir un peu plus tard, fait qu'elles peuvent avoir un catalogue assez large avec des sons très basse fréquence. Les grognements que vous avez entendus dans le deuxième extrait font penser plutôt à des femelles des sons qui sont émis par les femelles, notamment lorsqu'elles vont s'adresser à leurs petits. Ça, c'est des types de sons que nous, on a enregistrés à Madagascar avec l'association Cetamada. Et puis le premier enregistrement, là, c'est plus des mâles qui crient assez fort, en fait, des vocalisations qui vont échanger avec les autres individus pendant les période de reproduction. Flore Samaran, vous le disiez tout à l'heure, les baleines à fanons, les mysticètes sont les seules qui peuvent à proprement chanter, mais toutes les baleines à fanons ne chantent pas, et c'est là que les choses se compliquent un peu. Donc là, on entendait la baleine à bosse, qui est réputée pour sa grande qualité, ses grandes qualités musicales, si on l'humanise un petit peu. Est-ce qu'il y a des baleines qui, elles, sont dans des répertoires beaucoup plus limités du point de vue du chant ou du point de vue des sons émis? Ah oui, tout à fait. On a des espèces de rorquals, notamment le rorqual commun, qui lui va émettre un son très très simple, une petite impulsion à 20 Hz qui va répéter sans arrêt. Donc c'est un son très grave et très puissant, mais pas du tout mélodieux. On va pas retrouver d'harmonique, rien du tout de modulation de fréquence. C'est quelque chose de très simple. Et en plus, depuis qu'on les enregistre, ces rorquals communs, donc ça va faire 30, 40 ans, c'est toujours le même type de son. Donc on a très peu de variations. Et à l'échelle de la Terre entière, donc vraiment peu de variations géographiques, de variations temporelles, c'est vraiment quelque chose de très basique, et c'est très contrastant avec le chant de baleine à bosse qui lui en plus évolue. Et puis après on a d'autres espèces comme la baleine bleue qui vont émettre des sons ils ont un petit répertoire vocal qui est très stable, mais qui est très régionalisé. Donc, on va toujours entendre le même chant dans la région où on est. On parlera bien sûr tout à l'heure de cet aspect voilà. Très localisé, régional, et même parfois, on pourrait même dire, d'accent de groupe de baleines. Puisque vous le disiez, Flore Samaran, il y a certaines baleines qui émettent des sons très simples. Ces sons, c'est pas très simple en tout cas de comprendre comment ils sont fabriqués par les baleines, mais des études récentes, et une étude en particulier dont on va parler dans un instant, nous éclaire sur le sujet. France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp. On continue donc dans cette émission autour du chant des baleines avec vous, Flore Samaran et Olivier Adam. Et cette question, voilà, il n'y a pas qu'un mystère qui entoure l'interprétation de ce chant des baleines, il y a un mystère qui entourait, jusqu'à il y a quelques années en tout cas, la production de ce chant des baleines. Olivier Adam, vous, c'est un sujet que vous connaissez bien, vous travaillez dessus depuis plusieurs années. On est obligé donc de faire un petit détour par l'anatomie pour expliquer comment les baleines produisent ces sons. Sur quel point vous avez travaillé, sur quel organe en particulier vous avez travaillé chez la baleine pour essayer de percer à jour le mystère de la production de ces sons? En fait, là, c'est une aventure assez dingue parce qu'en 2007, quand j'ai commencé à m'intéresser aux baleines à bosse, j'avais été invité à Madagascar pour en enregistrer. J'ai posé une toute simple question, c'est-à-dire, mais en fait, comment elles génèrent ces sons? Quel est le vibrateur qu'il y a à l'intérieur d'elles qui leur permet de générer ces sons? Et à l'époque, personne n'était capable de me donner une explication satisfaisante. Tout à fait par hasard, on m'a transmis, parce que les gens savaient que je cherchais la réponse, on m'a transmis un article d'une anatomiste qui s'appelle Joy Redenberg, une chercheuse américaine excellente, et dans lequel elle décrivait l'idée que les baleines n'avaient pas de cordes vocales, mais des membranes qui pouvaient expliquer en fait cette vibration. Et en fait, c'est un article qui est très, on va dire, médical au sens du terme, avec des termes un peu compliqués. Et moi, qui n'ai jamais fait d'anatomie, j'étais un petit peu embêté. Donc, j'ai demandé un rendez-vous à cette chercheuse pour qu'elle m'explique exactement ce qui se passe. Et c'est là où, d'un point de vue anatomique, on a su comment les vocalises étaient générées. Et ce qu'on a fait, ce qui était fou, c'est qu'on a découpé le système respiratoire. On a fait de l'anatomie du système respiratoire d'une baleine à bosse. Et là, il faut bien imaginer que c'est totalement surdimensionné. Mmh. Vous voyez, les cavités nasales, c'est 1,60 m de long. Le larynx, vous, votre larynx, enfin, la trachée, c'est à peu près, on va dire, 20-30 cm. Pour une baleine, c'est 80 cm, voire 1 mètre de long, etc. Donc, bref, les poumons, ils peuvent accueillir à peu près 200 litres d'air. Enfin, c'est des dimensions qui sont complètement folles, quoi. Oui, parce que on a fait ça. Ce qui est très compliqué aussi de comprendre, c'est comment ces baleines peuvent émettre des sons alors qu'elles sont elles-mêmes en apnée, et toute une gamme aussi de sons qui vont varier dans des périodes d'apnée qui peuvent aller parfois jusqu'à plus d'une heure. Alors, c'est ça qui est dingue. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si on faisait un descriptif du système respiratoire des baleines, en fait, elles ont donc des poumons comme nous, parce que ce sont des mammifères, donc elles doivent aller à la surface pour pouvoir respirer et prendre de l'air. Donc ça, on le savait, hein, c'est pas comme si c'était un scoop. Par contre, elles ont un sac, une poche d'air qui est connectée à la trachée, qu'on appelle le sac laryngé. Et en fait, c'est un ballon. C'est un ballon dans lequel la baleine va envoyer de l'air de ses poumons pour gonfler ce ballon. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, lorsqu'elle a fini son apnée, elle va réaspirer l'air qu'il y avait dans ce ballon. Un peu comme vous, si vous gonflez un ballon à côté et que vous partez en apnée, bon, après votre minute où vous avez la sensation que vous n'avez plus d'air, eh ben, vous allez réaspirer l'air qu'il y a dans le ballon que vous avez sauvegardé. Donc, c'est ce qu'avait décrit Joy Redenberg, c'est-à-dire du air recycling, le recyclage d'air, pour prolonger l'apnée. Bon, vous comprenez le principe. Et c'est là qu'intervient cette étude parue en février 2024 dans Nature, qui, elle, apporte encore plus de précisions sur le fonctionnement de ce système respiratoire des baleines. Expliquez-nous un peu la question que se posaient ces chercheurs et comment, finalement, ils ont apporté encore de nouveaux éléments par rapport à ceux que vous aviez apportés, vous. Alors, pas du tout, parce que nous, on l'a publié en 2013. Hein. On l'a publié en 2013. Je vous dirai en quoi la nouvelle publication là qui est parue il y a un mois, maintenant 3 semaines, un mois, a été novatrice. Mm-hmm. Mais en fait, sur le fonctionnement, tout a été publié. D'ailleurs, on a 4 publics qui sont cités par ces auteurs sur lesquels ils s'appuient pour avoir fait leurs travaux. Donc en fait, l'idée est la suivante, c'est que le sac laryngé, donc cette poche d'air que j'expliquais tout à l'heure, en fait, elle est accrochée à la trachée par deux cartilages qu'on appelle les aryténoïdes. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais en fait, ces cartilages, ils font à peu près 30 cm de long, ils sont parallèles l'un en face de l'autre et ils tiennent en fait le sac à la trachée. Et ce que va faire la baleine quand elle va envoyer de l'air des poumons vers le sac laryngé, elle va évidemment ouvrir ces deux cartilages pour laisser passer le flux d'air. Et ben les membranes qui recouvrent ces deux cartilages vont se mettre alors à vibrer, un peu comme si vous fermez, vous savez, vos deux mains et que vous soufflez dessus, et ben la peau qui est sur vos paumes en fait va se mettre à vibrer et faire un son. Et ben là c'est exactement la même chose. Et en fait, nous, ce qu'on a montré avec Joy Reddenberg, c'est qu'en fait, la baleine et Juliette Damien et Dorian Cazot, enfin toute notre équipe, c'est qu'on a montré en fait que quand la baleine va ouvrir ses deux cartilages, elle va avoir la possibilité de choisir quel est le volume des membranes qu'elle va faire vibrer. C'est-à-dire qu'elle va pas forcément faire vibrer les 30 cm de long des cartilages, mais en sélectionner une partie. Et ça, c'est ce qui explique le fait qu'elle puisse générer des vocalisations en basse fréquence ou des vocalisations en haute fréquence. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas des cordes vocales au sens comme les nôtres, au sens du terme. Nous, on a des tirs pour aller chercher des sons aigus et qu'on relâche pour aller chercher des sons graves. Là, ce n'est pas du tout ça, parce que les cartilages, on ne peut pas les tirer, ça ne sert à rien, ils ont une longueur finie. Par contre, c'est en sélectionnant la partie des membranes qu'elles veulent faire vibrer, qu'elles vont pouvoir aller chercher des basses ou des hautes fréquences pour leur vocalisation. C'est là qu'on en arrive du coup à cette étude Flore Samaran qui est Eh ben parue, oui. voilà. Eh ben oui, et ça c'est juste énorme, c'est que nous, on avait fait une étude anatomique avec un double décimètre, en faisant des photos, en mesurant tout à la main, en faisant un travail, on va dire, manuel important, c'est-à-dire qu'on a sélectionné toutes les différentes parties du système respiratoire et après qu'on a tout mesuré, alors que dans la nouvelle publication, ils utilisaient un CT scan. Et le CT scan, c'est quoi? En fait, c'est un scanner, mais qui est juste génial parce que elle permet d'avoir des informations sur les dimensions, sur le volume, sur le volume en 3D, sur la texture. Donc on sait si c'est de l'os, si c'est du cartilage, on sait si c'est des muscles, on sait si c'est de la graisse, on sait si c'est des vaisseaux sanguins, etc. Donc en fait, ces nouveaux outils qui sont des outils modernes qui sont utilisés maintenant systématiquement en médecine, ils apportent beaucoup plus d'informations que ce que nous, on avait réussi à faire avec Joy Reddenberg. Donc cette publi, elle est vraiment majeure en termes de méthode et en termes d'une plus grande finesse de résultat que ce que nous on avait fait avec Joy Reddenberg. Alors là, puisque vous parlez de la finesse de résultat, vous parliez de graisse, il y a le rôle déterminant d'un coussin graisseux situé dans le larynx de ces baleines. Est-ce que vous pourriez nous en décrire le fonctionnement et comment est-ce que ça va jouer sur ces vocalisations? Absolument. Donc là, en fait, ce coussin, enfin, en fait, c'est une petite masse graisseuse qui est collée en haut de la trachée. Et en fait, ce que nous on avait dit avec Joy Reddenberg, c'était qu'il venait fermer comme un bouchon les deux cartilages. En fait, ça venait un bouchon de protection, un peu comme quand vous mettez un bouchon en haut d'une bouteille. En fait, ça rend hermétique totalement la poche d'air qui est le sac laryngé et les poumons. C'est-à-dire que grâce à ce bouchon, on pouvait dire que ces deux volume d'air était totalement indépendant l'un de l'autre parce que le bouchon réussissait à assurer le fait que ça soit totalement hermétique. Et ce que disent les auteurs là de cette étude, c'est que ce bouchon pourrait avoir un rôle aussi dans la vibration. Il pourrait se mettre à vibrer lorsque le flux d'air arrive des poumons vers le sac laryngé, ce que nous on n'avait pas dit avec Joy Reddenberg. Et c'est probablement une bonne idée. C'est probablement une bonne idée. Nous, on avait trouvé le rôle de bouchon et on avait simplement dit, bon, voilà, on n'avait pas été plus loin dans notre raisonnement, alors que le fait qu'il puisse être éventuellement impliqué dans la vibration, pourquoi pas, c'est une bonne hypothèse. Ça, c'est une très très belle étude, Flore Samaran. Là, on parle bien sûr d'analyses anatomiques qui sont déterminantes pour comprendre le fonctionnement mécanique de ce chant des baleines. Ça ne nous répond pas forcément sur d'autres questions d'ordre plus vaste, sur l'interprétation, le sens qu'on peut donner à ces vocalisations, à ces sons, à ces chants. Malgré tout, voilà, vous, quel regard vous portez sur ces travaux-là? Moi, je trouve ça vraiment fascinant, hein, parce que bon, faut savoir qu'on parle d'animaux qui font 20-30 mètres de long, hein, qui pèsent très très lourd. Donc, c'est sûr que faire des avancées aussi importantes en anatomie et en physiologie sur ces espèces-là, c'est tellement compliqué que voilà, c'est pas reproductible. Il faut travailler sur des animaux échoués, peut-être pour étudier tout ça, tout ce qu'elles ont à l'intérieur. Mais ça veut dire des animaux très très frais, parce que c'est des tissus qui vont vite s'abîmer. Donc se dégrader. Alors à chaque fois qu'il y a ce genre de avancées de recherche là, c'est vraiment très très intéressant. Et puis c'est fascinant aussi de voir qu'on avance sur cette compréhension-là. Ça n'explique pas forcément pourquoi toutes les baleines, tous les mysticètes ne font pas les mêmes genres de sons, n'occupent pas toutes les mêmes bandes de fréquences. Par exemple, la baleine bleue, elle va émettre des sons très très basse fréquence, donc encore plus grave. Alors, sachant que c'est le plus gros animal, peut-être qu'elle a quelque chose aussi dans son anatomie qui fait qu'elle peut faire ça plus qu'une autre espèce comme la baleine à bosse qui vont mettre des sons graves, certes, mais quand même moins basse fréquence que la baleine bleue. Et puis aussi cette capacité à changer, à moduler ses sons, ça amène vraiment beaucoup d'explications, mais c'est vrai qu'on se demande si ça peut se généraliser à tous les mysticètes, quoi. Parce que là, il y a eu trois espèces de mysticètes qui ont été étudiées dans le cadre de cette étude. Une baleine à bosse, une baleine de mink et un rorqual boréal. Voilà. Deux femelles, un mâle. Ouais. Ça tord un peu le cou. Enfin, en tout cas, ça m'a fait me poser la question. On dit souvent que ce ne sont que les mâles chez les baleines qui chantent et pas les femelles. On est d'accord que là, il n'y a pas du tout de question de différence anatomique entre les deux. Entre mâles et femelles. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est intéressant de voir que c'est pas une question anatomique, parce que le générateur, en fait, le vibrateur qu'on vient de décrire là avec cette membrane sur les cartilages, en fait, est le même que ça soit chez les mâles ou chez les femelles adultes. Et donc, c'est pas ce qui pourrait expliquer le fait qu'il y aurait que les mâles ou que les femelles qui peuvent chanter, notamment chez les baleines à bosse. Donc là, ça amène d'autres hypothèses, des hypothèses liées, par exemple, à un taux d'hormones. Est-ce que les hormones, justement, sexuelles pourraient expliquer le fait que ce soit que les mâles qui chantent? Est-ce que c'est aussi un comportement social qui est admis dans leur structure sociétale, c'est-à-dire qu'il n'y a que les mâles qui chantent et pas les femelles? Voilà, ça, c'est la question. Alors, là-dessus, ces questions, on peut se les poser, Flore Samaran. Est-ce qu'on a, pour le coup, des cas où on peut dire avec plus ou moins de certitude que ces sons, ces chants émis par les baleines sont liés à un comportement, à une saisonnalité, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à une zone géographique particulière où, par exemple, les baleines vont aller s'alimenter plus que se reproduire, ou inversement? Les mysticètes, ce sont des espèces migratrices. Donc, il faut imaginer déjà qu'elles coupent leur année en deux parties. Une année où elles vont faire que de manger, que de s'alimenter, donc souvent dans les eaux riches au niveau des pôles, donc par exemple autour de l'Antarctique. Et puis ensuite, elles vont migrer, donc elles vont se déplacer sur des milliers de kilomètres pour aller en zone de reproduction, où là, on va avoir pendant cette période-là, donc la reproduction, la mise bas aussi des petits, des baleineaux. Et donc c'est coupé comme ça leur année. Donc, et ensuite, nous, en tant que scientifiques, on va essayer de voir: est-ce qu'elles vont émettre des sons à dans ces deux zones-là? Et puis, est-ce que c'est les mêmes types de sons? Alors, chez les baleines à bosse, il se trouve que pendant sa période de reproduction, c'est à ce moment-là qu'on va entendre ces chants qu'on a entendus tout au début, ces chants très mélodieux avec cet arrangement d'unités sonores. Quelques études vont montrer que par la génétique, ces chants ont l'air d'être émis uniquement par des mâles. Donc, on va dire, c'est sûrement pour attirer les femelles ou pour repousser les mâles en période de reproduction. Et puis, à côté de ça, on a d'autres espèces de mysticètes. Qu'elles sont en zone d'alimentation ou en zone de reproduction, on va entendre les mêmes chants. Il n'y a pas du tout de variation. Donc là, une vérité pour l'une ne sera pas pour l'autre. Donc, il doit y avoir autre chose dans tout ça. Olivier Adam, vous avez travaillé sur ces chants-là et vous avez notamment enregistré une chose assez rare vers Saint-Pierre-et-Miquelon, je crois, des chants de baleines à bosse dans une zone d'alimentation. Alors là, ça rebat un peu les cartes. Comment vous analysez cette anomalie entre gros guillemets? Alors en fait, il y a eu notamment par un chercheur qui s'appelle Fick Lapam des publications qui indiquaient que pendant des routes migratoires, il y avait des fois, on pouvait entendre des chants de baleines à bosse. Et ça évidemment allait à l'encontre de tout ce qu'on nous disait, notamment le fait que les champs étaient le propre des zones de reproduction. Et ce qu'on a fait à Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment avec une association qui s'appelait Fragile à l'époque, on a mis des hydrophones qu'on a laissés pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois au nord et au sud de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, c'est juste à côté de Terre-Neuve. Et on a eu la surprise d'avoir des champs de baleines à bosse. Alors, deux choses. Premièrement, c'est extrêmement rare, c'est-à-dire que autant quand vous allez dans les zones de reproduction, vous mettez un hydrophone le jour ou la nuit, vous êtes sûr d'avoir des champs. Autant dans les zones d'alimentation, il faut être extrêmement patient parce que on a eu un champ peut-être une fois par mois et encore c'était très rare. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une publication qui est parue il y a peut-être 3 ou 4 ans d'un Canadien qui a indiqué qu'il enregistrait des chants au moment où les baleines commençaient à partir de la zone d'alimentation. Vous voyez, en partir en direction des zones de reproduction, en fait, elles commençaient leur route migratoire. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est extrêmement spéculatif, hein, tout ce que je vais vous dire là. Ça mérite encore des études, des observations, des analyses. Mais en fait, on pourrait imaginer que ces champs soient liés à toute une activité hors alimentation. C'est-à-dire que dès qu'elles finissent de s'alimenter, elles peuvent commencer à chanter. Et là, c'est le début, en fait, de la grande migration vers les zones de reproduction. Ce serait une sorte de chant du départ pour ces baleines. Elles battraient le rappel et elles se diraient qu'elles peuvent se mettre en route vers leur zone de reproduction. On comprend bien, du coup, l'utilité qu'il y a à étudier ces chants-là pour mieux comprendre le comportement de ces mysticètes. Flore Samaran, est-ce qu'on peut aller jusqu'à identifier des individus par leur vocalise, par les sons qu'ils émettent chez les mysticètes, ou bien est-ce qu'on n'y est pas encore? Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que en écoutant ces sons, je serais capable de compter le nombre d'individus et de dire, bah voilà, là j'ai encore 5-6 baleines à proximité de mon hydrophone. Mais non. On a essayé avec Olivier, il fut un temps, il y a quelques années, de chercher un peu des prémices dans des vocalisations de baleines bleues antarctiques, si on voyait une variabilité dans tous les sons qu'on avait, et on n'avait pas de variabilité. En fait, elles émettaient, on avait l'impression, toutes le même son. Ce qu'on a remarqué par contre, c'est que la baleine bleue antarctique, par exemple, elle va émettre le même type de son tout autour de l'Antarctique. Ou peu importe où on est autour de l'Antarctique, elle va émettre ce type de son. Et quand elle va migrer vers les eaux plus chaudes des moyennes et basses latitudes, elle va continuer à émettre ce son-là. Et donc, on va l'entendre aussi bien en Atlantique que dans l'océan Indien, que dans l'océan Pacifique. Alors qu'on a une autre sous-espèce de baleine, la baleine bleue pygmée, qui, elle, va émettre un autre type de chant assez simple, hein, comparé à la baleine à bosse. C'est toujours le même aussi depuis qu'on les enregistre, hein. Ça fait à peu près, je sais pas, peut-être 25 ans, 30 ans, les premières publications du chant de baleine bleue pygmée. Et donc, les chercheurs, quand ils sont allés l'enregistrer au large de Madagascar, ils ont entendu un type de chant. Et les Australiens, oui, avaient un autre type de chant. Et puis, au nord de l'océan Indien, un autre type de chant. Et du coup, ça nous a permis, en suivant en mettant des micros dans tout l'océan Indien et en écoutant sur ces micros quel type de chant on avait, d'avoir une idée de la répartition géographique de ces baleines-là, de cette sous-espèce de baleine bleue, en regardant ces différences acoustiques qui sont peut-être indicateurs du coup d'une population, pas d'un individu, mais d'une population. Alors je vous tendais un petit piège, Flore Samaran, en vous parlant de la difficile, voire l'impossible reconnaissance d'un individu mysticète par le seul son qu'il émet. Il y a une exception qui confirme la règle, c'est la fameuse baleine 52 Hz dont on entend la petite voix. Voilà, Olivier Adam, on vient d'entendre 52 Hertz, qu'on a rebaptisé la baleine la plus seule du monde. Est-ce que c'est en partie légendaire, cette histoire de la baleine qui émettait dans une fréquence que seule elle pouvait émettre et entendre et qui donc, du coup, errait dans tous les océans du monde? Oui, je pense que là, c'est très. C'est très spéculatif, c'est intéressant en fait cette volonté. Bon, déjà il y a deux choses qu'on peut dire sur cette baleine-là. La première, déjà, on ne sait pas si elle est toute seule ou pas toute seule. Ça c'est purement une déduction d'ingénieur. Je pense qu'il faut être assez prudent là-dessus. La première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a la possibilité d'hybrides chez les mesticètes. Il peut y avoir des hybrides entre des baleines bleues, des rorquals communs par exemple, ou des baleines à bosse, ce qui fait que ça peut changer en fait. Leur générateur vocal et leur vibrateur, et donc potentiellement pouvoir permettre d'émettre à des fréquences qui ne sont pas celles qui sont attendues. Là, on pensait par exemple à un moment donné que c'était une baleine bleue parce que 52 Hz c'est assez proche des 20-30 Hz qui sont émises par les baleines bleues, mais trop bas par rapport à des rorquals communs qui sont plus entre 60 et 100 Hz dans les fondamentales. Et du coup, peut-être que c'est une hybride, donc ça c'est une première hypothèse. Peut-être que c'est une baleine qui a un petit défaut sur le vibrateur, genre, je sais pas moi, un neurinome ou une tumeur quelconque qui lui permet pas en fait de faire des sons trop basse fréquence, ou peut-être que c'est simplement une façon de se démarquer par elle-même d'un point de vue individuel. Donc on sait pas trop. À ma connaissance, hein, je sais pas si Flore tu sais, mais il me semble qu'on l'a jamais trouvée cette baleine. On l'a enregistrée plusieurs L'a fois, enregistré notamment. pendant plusieurs Ouais. décennies et ses Ouais, fréquences c'est ça. baissaient, qui ça témoignait quand même de son vieillissement apparemment, mais je crois qu'ils l'ont jamais Ouais, c'est identifié ni ça. trouvé. C'est ça. En fait, il y a, on l'entend parce que maintenant on met des hydrophones un peu partout. On sait ce que fait Flore. Elle a peut-être le plus grand observatoire acoustique dans l'océan Indien et peut-être même austral. Donc, on met des hydrophones, on les laisse à l'année et on enregistre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça permet de suivre justement le déplacement de ces cétacés. Et là, c'est ce qui s'est passé avec ce 52 Hz, cette baleine 52 Hz. Mais à ma connaissance, on ne l'a jamais vu, quoi. Alors ça m'arrange, j'avais une question aussi. On sait par exemple que pour certaines espèces d'oiseaux, comme les alouettes, il y a des accents selon qu'on parle d'une alouette du nord ou du sud de la France. C'est ce qu'avaient montré par exemple les travaux de Thierry Aubin, qui est spécialiste de communication animale. Est-ce que, de la même façon, pour les mysticètes, selon les régions océaniques du monde où l'on se trouve, on va entendre des baleines qui ont des accents et des vocalisations différentes alors qu'elles appartiennent à la même espèce? Bah oui, c'est vraiment le cas pour les baleines bleues pygmées. Les baleines bleues pygmées, ouais. Mais je voulais quand même rajouter, là, juste pour compléter cette histoire de 52 Hz et de micros que nous, on laisse dans l'océan Indien, je voulais dire que depuis qu'on suit, donc ça fait 10 ans, hein, qu'on a un observatoire d'écoute, des enregistrements, on suit des sons, mais on ne connaît pas l'origine. Ils n'ont jamais été enregistrés avec l'observation visuelle à côté. Et donc, peut-être qu'il y en a plus que ce qu'on croit, là, ces baleines de 52 Hz, parce que nous, on a des mois ou des années où on suit une espèce, enfin, un son, en tout cas, inconnu. Donc, ça montre encore qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et pour en revenir pour la baleine bleue pygmée, oui, donc cette sous-espèce-là, eh ben, elle est en tout cas, elle a l'air, selon la région où elle se trouve, de ne pas du tout émettre les mêmes types de chants. Donc, on est toujours dans la même gamme. Un son très lent, un son très fort en intensité et puis plutôt de basse fréquence. Mais c'est vrai que l'espèce, par exemple, Madagascar ne va pas, enfin, la population de Madagascar ne va pas émettre le même type de cri que celui d'Australie ou que dans la Nouvelle-Zélande ou le Chili aussi. Donc, régulièrement, on découvre le répertoire vocal de cette sous-espèce de baleine bleue pygmée qui a l'air très régionalisée. Ouais. Alors on veut entendre ces petites baleines, parce que vous nous avez envoyé les sons des baleines bleues d'Australie, Et de je les baleines ai, bleues de oui. Madagascar, donc peut-être qu'on peut écouter la baleine bleue d'Australie. Qui rencontrerait par mégarde la baleine bleue de Madagascar. Et là, Flore Samaran, on a vraiment l'illustration de ce que vous nous disiez. Il n'y a pas du tout les mêmes sonorités. Non, et en plus, là, c'est perçu parce que c'est un son que nous n'entendons pas. Hein. Bien sûr, c'est accéléré. C'est très accéléré, donc ça fait un son un peu bizarre. Mais oui, ils ont vraiment, on voit les notes ne sont pas les mêmes, le rythme n'est pas le même. Et donc ça, c'est accéléré peut-être 10 ou 20 fois. Donc, faut dire en plus que c'est des sons qui sont très très longs. Donc, ça veut dire que, enfin, ça, c'est une question que je me pose aussi par rapport à Olivier, c'est qu'ils arrivent à tenir une note comme ça pendant quasiment 30-40 secondes. Alors, peut-être que ça va avec le démesure de tout leur corps et leur mécanisme de production. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi. On poursuit cette émission car le temps court malheureusement et on va en arriver à présent au reportage du jour. On a vu que chez certains types de baleines, parfois seuls les mâles seraient capables de chanter. Et en ce qui concerne les femelles et leurs petits, on parle plutôt de vocalisation, des communications acoustiques qui traduisent la nature, des relations sociales et certains comportements. Alors pour découvrir comment on examine ces interactions sonores, Céline Lausanne, vous êtes allée à l'Institut des neurosciences de Paris-Saclay. Bonjour Céline. Bonjour Antoine. Oui, pour retrouver Isabelle Charrier, directrice de recherche CNRS au département communication acoustique. Elle s'intéresse notamment aux baleines à bosse de Madagascar à travers l'étude des interactions entre la mer et son baleineau. À partir de petites balises éphémères, il est possible de les suivre et de recueillir les signaux acoustiques émis et reçus, des données qu'elle compulse ensuite avec des logiciels qui aident à analyser ces échanges sonores et les relier à certains comportements. Ça, c'est un enchaînement de cris d'un bébé, hein, d'un baleineau. Donc là, on entend bien les bruits de surface. Hein, on voit qu'il est... C'est étonnant. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Et surtout, c'est quand même assez différent des chants des baleines qui sont produits par les mâles. C'est vrai que quand on parle de baleine à bosse, on pense tout de suite aux chants. C'est onirique. Voilà, et c'est un peu lancinant, il y a une répétition, tout ça. Et là, on est plus sur des séquences de sons un petit peu de... Vous avez entendu différentes fréquences, un peu, on a l'impression d'entendre un peu une trompette, hein, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est très varié. Et donc là, on a la description de ces sons. Maintenant, reste à savoir exactement quelle est la fonction. Alors nous, pour avoir une approche, si vous voulez, assez naturelle de l'étude de ces vocalisations, on a pris en partie d'utiliser des balises que l'on va placer sur la mer ou sur le baleineau, des fois sur les deux, de façon à pouvoir les enregistrer, mais en n'étant plus là. Donc bien sûr, on a une approche au début parce qu'il faut qu'on place la balise sur l'animal. Alors la balise est collée par des ventouses, donc ça ne fait pas du tout mal aux animaux. C'est pas invasif, c'est pas un dispositif invasif qui gêne l'animal. Pas du tout, hein. C'est une balise qui fait la taille, on va dire, d'un gros téléphone portable. Donc c'est tout petit par rapport à la baleine. Comme je disais, il y a des ventouses, donc voilà, on colle ça au niveau du dos ou sur le côté des baleines. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment le comportement le plus naturel possible, où là, eux, ils vont refaire leur petite vie tranquille, plonger, vocaliser, justement, parce que c'est tout l'intérêt de mieux comprendre, justement, les vocalisations qui sont échangées entre la mère et son petit, et ce qu'ils en font fréquemment, dans quel contexte. Et donc, ce qui est intéressant dans les balises, c'est qu'on enregistre, bien sûr, ces vocalisations via un hydrophone. On a aussi une caméra vidéo. Donc, ces balises nous ont permis de voir ces séquences d'allaitement. Donc, ça, c'était l'étude d'un de mes doctorants, Maeva Tiana, qui est un étudiant malgache, qui, justement, a visualisé ces vidéos et a pu voir, justement, à quel moment il approche la mer, il tète, puisqu'on a du nuage de lait. Donc là, ça nous sécurise le fait qu'il y a bien eu un allaitement. Je me posais une question sur la récolte des informations. On a bien compris comment a été capturée cette information. Ensuite, c'est une balise qui fonctionne par GPS. Voilà. Alors, pour avoir les informations collectées par ces balises, il faut retrouver la balise. En fait, rien n'est transmis. Donc, l'idée, on pose la balise, on la laisse partir avec l'animal. Au bout de quelques heures, alors souvent, la durée de nos déploiements, c'est en moyenne 3 à 4 heures. Mais ça va de 30 minutes à 35 heures. Donc une fois que la balise s'est détachée de l'animal, elle flotte à la surface de l'eau, et nous, on rajoute un petit émetteur VHF qui, après, nous, avec une antenne, on va pouvoir la détecter. On détecte un bip, et donc, voilà, il faut que ce soit à peu près dans les 25-30 kilomètres. Mais donc, les données ne vont pouvoir être traités qu'une fois qu'on a trouvé la balise. Et une fois qu'on l'a trouvée, bah, toutes les données sont téléchargées sur notre, sur l'ordinateur. Et là, se suit une longue période d'analyse de ces données. De dépouillement et pour décortiquer tous les signaux et les interpréter pour les corréler à des comportements. Est-ce qu'on pourrait écouter justement à quoi ressemble un type d'interaction donnée ? Bien sûr. Justement, Maëva Tiana m'a préparé quelques sons. Après, ils sont très courts, donc moi, j'ai un peu plus scruté dans ce que j'avais. Les sons qu'elles produisent sont tout à fait audibles à l'humain. Donc voilà. Dans quelle gamme de fréquences elles émettent, les baleines à bosse ? Donc là, au niveau des sons sociaux, on est entre, on va dire, entre 50 Hz dans les plus basses, peut-être un petit peu, voilà, peut-être 40-50 Hz. Et après, ça peut monter jusqu'à, allez, on va dire peut-être 1000 Hz, 1500. Donc c'est tout à fait compatible. Cordes, voilà, on peut les écouter. Donc ça, c'est le cri d'une mère. Alors, vous avez pu entendre ces vibrations-là, c'est relativement bas en fréquence. Et donc, souvent, on a cette espèce de... On ressent la vibration du son quand on les entend. Donc ça, c'est, je trouve, assez spectaculaire. Voilà, donc on a souvent des... En fait, les sons sociaux, donc c'est-à-dire tous les sons qui sont émis dans des interactions sociales et qui sont vraiment à différencier des chants des mâles. Là, les sons sociaux, c'est vraiment des cris, voilà, qui sont produits seuls ou des fois en petite série, mais il n'y a pas du tout une organisation temporelle comme il y a avec les chants. Alors nous, ce qu'on regarde aussi dans ces communications, c'est aussi de comprendre quel peut être l'impact la pollution sonore sur ces échanges. Vous avez vu que c'est des séquences très courtes, souvent c'est juste un cri comme ça. C'est très furtif, donc ça peut passer inaperçu. C'est tout à fait. Donc là, imaginons qu'il y a un bateau qui passe, et ben le baleineau, voilà, s'il a communiqué quelque chose à sa mère, elle peut ne pas l'entendre à cause de ce passage de bateau, puisque justement c'est pas des séquences très longues, très répétées. Et donc voilà, donc c'est des communications qui peuvent être très vite en fait brouillées par la pollution sonore due aux activités humaines. Merci beaucoup Céline Lozen pour ce reportage. On le comprend bien dans les propos d'Isabelle Charrier que c'est toute une aventure d'aller récolter ces chants des baleines en pleine mer et de les analyser, de les faire revenir sur terre et de les écouter et de les étudier. Isabelle Charrier conclut avec un des points très importants aussi concernant la communication de ces cétacés, Olivier Adam, c'est cette dimension de pollution sonore qui va perturber considérablement la communication des baleines entre elles. Voilà, comment est-ce que vous étudiez ça, vous, de près, et quel constat vous réalisez au fil des années concernant cette pollution sonore en mer et les conséquences qu'elle a sur le chant des baleines ? En fait, les sons dans les océans, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on les étudie, et notamment les sons qui sont générés par les activités humaines. Et donc, ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont fait une graduation d'activités humaines en fonction des sons qui sont produits. Et ils ont mis à côté un indicateur d'impact, c'est-à-dire quelles sont les activités humaines qui sont les plus impactantes. Et on s'est focalisé sur trois grands groupes de cétacés. Les cétacés basse fréquence, qui sont les mysticètes, les cétacés haute fréquence, qui sont tous les odontocètes, et puis les très hautes fréquences, qui sont les plus petits, c'est-à-dire les vaquitas, sotalia, etc. quoi. Et en fait, on a cette idée que lorsqu'il y a une activité humaine en mer, on regarde quel est le son qui est généré. Est-ce que c'est un son continu? Est-ce que c'est un son impulsionnel? À quelle fréquence est ce son? À quelle intensité est ce son? Et après, on fait une estimation sur l'impact que ça peut avoir sur le cétacé. Alors, par exemple, là, ce que fait référence Isabelle Charrier, ce sont notamment le trafic maritime, parce que le trafic maritime avec marchand, hein, je parle de trafic maritime marchand, c'est-à-dire les tankers et super-tankers, ce sont des sons très basse fréquence, inférieurs à 100 Hz, par exemple, et donc ça rentre en plein dans les émissions, dans la même bande fréquentielle que les émissions sonores des mysticètes, des grandes baleines, comme les baleines bleues, les rorquals communs, les baleines à bosse, etc. Et donc, du coup, eh ben, ça va forcément les gêner, parce qu'en acoustique, dès que quelqu'un fait un son plus fort, eh ben, il vient masquer ceux qui ont des sons, qui utilisent des sons moins forts, un peu comme quand on est en boîte de nuit, par exemple, où le volume sonore est tellement fort qu'on a du mal à se comprendre quand on parle normalement avec la personne qui est en face de nous, quoi. Et ben là, ça va être pareil. Donc, ça va aller, les impacts vont aller de la gêne, c'est-à-dire en fait de masquer des interactions vocales jusqu'aux échouages, parce qu'on a noté que certaines activités humaines étaient tellement fortes et intenses que ça pouvait expliquer l'échouage de cétacés. Alors, Samaran, est-ce qu'on peut constater aussi des stratégies nouvelles mises en place par certaines espèces de baleines pour éviter ces nuisances sonores, pour contourner éventuellement certaines routes maritimes qui seraient plus bruyantes que d'autres, et donc évoluer d'une façon contrainte par ces nuisances et ces pollutions-là? On va remarquer, en tout cas quand on va avoir ce genre de conflit d'usage entre un secteur qui serait très fréquenté par les baleines et puis une activité anthropique importante, c'est sur quelques études, elles ont montré que les baleines finalement vont peut-être changer leur répertoire vocal. Elles vont développer des stratégies, par exemple elles vont changer de fréquence ou alors elles vont répéter plusieurs fois des sons, alors que quand le niveau sonore est correct, que le bruit ambiant n'est pas trop fort, elles le font pas. Donc ça montrerait peut-être un changement comportemental lié à ça. Et puis on peut aussi avoir des changements tels qu'ils vont plus, elles vont plus du tout fréquenter cette zone. Donc elles vont quitter un endroit et ne plus y retourner. On va avoir comme expliqué Olivier, on va avoir tout un panel de réponses comportementales face à ces gènes qui sont importantes et qui sont difficiles à quantifier aussi. Hein. C'est difficile de se dire bon, est-ce que c'est parce qu'elle est partie, parce qu'elle est gênée ou parce qu'en fait, non, c'est juste il n'y a plus à manger et elle est partie ailleurs. Enfin, voilà, c'est pas facile parce qu'on ne peut pas vraiment faire d'expérimental. Donc, il faut vraiment qu'on prenne beaucoup, beaucoup de mesures pour essayer de voir vraiment des tendances là-dessus, quoi. Des mesures, vous allez en prendre, vous, Olivier Adam, prochainement, puisque vous êtes en République dominicaine. Il reste une petite minute dans cette émission. Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours qui viennent et quel type de baleine vous allez observer? Alors, je vais observer des baleines à bosse. En fait, la République dominicaine fait partie des hotspots de réunion de baleines à bosse pendant les périodes de reproduction. La République dominicaine est connue parce qu'ils ont été les premiers à créer un sanctuaire des mammifères marins, en fait une aire marine protégée pour ces baleines à bosse, notamment dans la Caraïbe, mais dans le monde. Et ça, c'est beau, historiquement, c'est beau. Eux, ça serait daté de 1970, 71, 72, quelque chose comme ça, alors que nous, notre premier sanctuaire des mammifères marins, il date de 1999. Donc, vous voyez, ils étaient quand même un tout petit peu plus en avance que nous. Non, là, on parle de trafic maritime. Là, il y a la création d'un port qui va se faire, notamment dans la baie de Samana, et pour accueillir des ferries, notamment. Voilà, donc on vient juste voir quelles sont des mesures que l'on pourrait faire en amont de la construction de ce port, juste pour avoir une idée du bruit ambiant dans cette zone. Et on vous souhaite d'obtenir des résultats aussi intéressants que possible et vous avez quand même pas mal de chance de pouvoir faire ce métier. Merci beaucoup Olivier Adam et merci beaucoup Flore Samaran de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour parler du chant des baleines. À présent, il est l'heure comme chaque jour de retrouver Alexandra Delbo qui s'en vient avec sa chronique Avec Science, une chronique dédiée aujourd'hui au rôle de la biodiversité en forêt pour pallier en partie les effets des sécheresses. Comment les forêts peuvent-elles lutter contre les sécheresses? Comme tous les écosystèmes, les forêts remplissent énormément de fonctions. Ce sont des acteurs essentiels du cycle du carbone, du cycle de l'eau, du cycle des nutriments, sans compter la nourriture qu'elles peuvent nous apporter. Les forêts couvrent un tiers des terres émergées, abritent la majeure partie de la biodiversité animale terrestre, ainsi qu'une bonne portion des 60 000 espèces d'arbres que compte notre planète. Il est donc presque logique, intuitivement, que la biodiversité animale et végétale joue un rôle dans les fonctions écosystémiques de ces milieux. Pourtant, l'influence de cette biodiversité n'est devenue un sujet de recherche que lorsqu'elle a commencé à décliner. Stéphane Ettenschiller est directeur de recherche CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier et dernier auteur de cette étude parue dans PNRS. Quand il y a eu les observations de l'effondrement de la biodiversité, avec des données très alarmantes qui ont montré qu'on perd à une vitesse incroyable beaucoup d'espèces un peu partout dans le monde. Et ça concerne tous les groupes d'organismes, en fait. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à s'intéresser à qu'est-ce qui se passe avec les écosystèmes sur lesquels on se base pour vivre sur notre planète quand il y a moins d'espèces. Donc, est-ce que chaque espèce a un impact quelque part dans l'écosystème et son fonctionnement? Et on a commencé avec ça, avec des types d'écosystèmes qui sont un peu plus facilement à manipuler, c'est-à-dire des prairies. Et quelquefois, on a travaillé aussi avec des algues. Parce que les forêts, c'est expérimentalement, c'est assez difficile de manipuler et ça demande beaucoup de temps. On a besoin d'attendre une centaine d'années pour vraiment s'intéresser à une forêt mature. C'est l'une des limites de l'expérimentation grandeur nature. Donc les premières études se sont intéressées à des écosystèmes simples comme les prairies, puis les ont complexifiées avec 1, 2, 3 et jusqu'à 60 espèces différentes. Ce qui a permis de mettre en évidence que plus la biodiversité est forte dans les communautés de plantes, plus la productivité augmente. Mais il n'y a pas que la productivité dans la vie. Donc qu'en est-il des autres services écosystémiques? Et que se passe-t-il dans ces forêts dans des conditions extrêmes? C'est ce qu'a voulu analyser cette étude en s'intéressant au recyclage de la matière en décomposition, un processus essentiel puisqu'il permet de remettre en circulation les nutriments. L'objectif est de regarder comment, sur ce processus, interagissent ensemble un changement de biodiversité et un changement climatique, en l'occurrence la sécheresse. Et il s'agit d'une expérience à ciel presque ouvert parce que l'eau a pu être partiellement soustraite grâce à des panneaux qui empêchent la pluie de tomber au sol, ce qui permet de mimer une sécheresse en milieu naturel. Et donc, avec ou sans ces parapluies, ces scientifiques ont modifié la biodiversité environnante en ajoutant plus ou moins d'espèces de feuilles mortes au sol, plus ou moins d'espèces d'organismes décomposeurs, le tout dans 5 types de forêts chinoises, de tempérées à tropicales. Et résultat, dans les forêts, la biodiversité atténue, voire compense totalement l'effet de la sécheresse. Quand on a rajouté le traitement de sécheresse avec des exclusions de pluie, hein, donc on a enlevé à peu près la moitié des précipitations toute l'année. Et avec une plus faible humidité du sol, ce processus est plus long. Donc, d'une manière générale, l'exclusion des précipitations a diminué le taux de ce processus. Mais quand on regarde l'interaction entre les deux facteurs, on a observé qu'avec une plus forte diversité en termes de litière, issue de différentes espèces d'arbres, et une complexité plus forte des communautés de décomposeurs, ça peut compenser cet effet négatif de sécheresse. Du coup, on a vraiment une façon de combattre quelque part cet effet de changement climatique vis-à-vis d'une sécheresse augmentée. Le recyclage des nutriments n'est qu'un des services rendus par les forêts. Il faudra en étudier d'autres, d'autant que toutes les mesures biologiques de cette expérience n'ont pas été encore analysées, comme la croissance des arbres et leur régénération, par exemple. Et finalement, cela appelle à penser autrement la protection des forêts. Il ne suffit pas de planter une seule espèce d'arbre massivement, mais de sauvegarder et restaurer la biodiversité en leur sein pour que les forêts deviennent plus résistantes et résilientes face au changement climatique. Merci beaucoup Alexandra Delbo, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Garance Prema Agnolo, Eve Etienne, Bruno Sansini, Alexandre Morales, Natacha Demoule, toute la famille est là, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Olivier Arnet. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.